Chapitre 12. Réglons nos affaires. Desnous, en sortant du palais de justice, était abruti, fou. Il courut à l'hôtel, fit atteler son cheval en recommandant aux gardes d'écurie de se presser. « Eh bien, dit l'homme, et le pantalon ?»« Ça ne vous regarde pas, dit le notaire furieux. » Au moment où il montait en voiture, le domestique du curé de Pont-l'Évêque arriva, pâle et très ému. « Monsieur Desnous, on vous cherche partout. Monsieur le curé Cardine m'a envoyé ici pour vous faire venir au presbytère. Il se doutait bien que vous étiez là. » « Je n'y vais pas, » il prit les guides du cheval. « Mais c'est que votre femme est morte. Hein ?» Le notaire pâlit, puis fouetta vigoureusement la bête qui partit au galop et traversa Pont-l'Évêque avec une telle vitesse que les commerçants sortaient de leurs boutiques, étonnés du bruit que faisaient les roues sur le pavé. « Tiens, c'est le notaire de Valsemé, qu'est-ce qu'il a donc ?» La côte très longue fut montée en 3 minutes. Alors le grand vent qui lui cinglait la figure le calma. « Ah, sa femme était morte ? Tant mieux pour elle, maintenant que tout le monde savait sa vie. Ah, la charogne en plein tribunal ! Il aurait dû s'en douter, mais il fallait bien qu'il accompagnât sa femme. » Il eut une décision prompte, comme en ont les hommes supérieurs, se dit-il à lui-même. « Ah, il était démasqué, on va voir !» Arrivé à Valsemé, il entra dans son étude et dit au maître clerc, « Venez, j'ai à vous parler. Asseyez-vous. « Mon cher, ma femme est morte, dit-il d'un air dégagé. » Le clerc eut un soubresaut. « Soyez calme, reprit le notaire, comme moi, nous en avons besoin de calme. » Et comme le clerc prenait une attitude et une mine compassée, « Vous savez, inutile de vous attrister, causons affaire. Voilà, ma femme est morte dans des circonstances telles que je ne puis rester à Valsemé, oui. » Vous allez apprendre cela tantôt dans les détails. Je suis forcé de partir de suite, ou du moins je ne veux pas rester. Qu'est-ce que vous avez dans la caisse ? 30 000 francs. Bien, je vais les prendre. Voulez-vous acheter mon étude ? Le clerc était atterré. Voulez-vous ? Elle est bonne, vous êtes capable de la faire valoir. Vous me la paierez petit à petit en me faisant la rente de la dette. Demain, vous recevrez la visite d'un de nos collègues de camp, que je charge de régler. Cela vous va ? « Mais je voudrais bien réfléchir. »« Rien à payer comptant, entendez-vous ? D'ailleurs, vous rendez la réponse demain à un autre collègue. Si ce n'est pas vous, ce sera un autre. En attendant, je pars pour 8 jours. Si l'affaire marche, je ne reviens plus. Au revoir. » Et il partit en lui donnant une poignée de main. Le clerc, en rentrant dans l'étude, dit aux expéditionnaires, « Je ne sais pas, mais je crois que le patron est fou. » Quand ils eurent jugé que leur présence était inutile au presbytère, où l'abbé Cardine veillait la morte, que l'on avait portée sur le lit du domestique, Pigeon et Millet arrivèrent à l'hôtel. « Eh bien, et la voiture, elle est partie ?»« Oui, monsieur Desnous l'a prise. »« Comment allons-nous rentrer à Valsemé ? À pied ? Il n'y aura plus d'occasion. »« On pourrait vous louer le cabriolet, dit le garçon d'écurie, pour 100 sous. »« Tiens, au fait, mais c'est 100 sous. » « Eh bien, » riposta Pigeon, « avons-nous pas chacun les 3 francs qu'on nous donnera comme témoin ? Tiens, c'est juste, il restera encore 20 sous pour boire un café. »